mes regrets d'un bonheur fait de tant de baisers. Oui, je sais bien que beau jour on revient, mais j'hésite, le jour est si loin. N'y croyons pas, disons-nous, toi et moi, qu'on se voit pour la dernière fois. Bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho, et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, aimer. Bésame, bésame mucho, embrasse-moi mon amour, que je puisse oublier. Bésame, bésame mucho, et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot. Aimer. Et ma chanson n'aura plus qu'un seul mot, chanson n'aura plus qu'un seul mot.